Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet-du-Près 1860. Question 30. De la pluralité des personnes divines. Que les relations divines forment trois personnes. 1. Y a-t-il plusieurs personnes en Dieu? Quand on a entendu saint Athanase dire dans son symbole avec tant de clarté et de précision, autre est la personne du Père, autre la personne du Fils, autre la personne du Saint-Esprit. On ne doit pas hésiter à admettre qu'il y a plusieurs personnes en Dieu. Nous avons établi, en effet, que le mot « personne », appliqué à Dieu, signifie une relation subsistante dans la nature divine. Nous avons fait voir, de plus, qu'il y a en Dieu plusieurs relations réelles et subsistantes. Il reste conséquemment démontré qu'il existe plusieurs personnes en Dieu. 2. Y a-t-il plus de trois personnes en Dieu? Il est écrit, ils sont trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Jean 5, 7. À ceux qui demandent, que sont ces trois? On répond, trois personnes, selon la remarque de saint Augustin, in, de la Trinité. Donc il y a trois personnes en Dieu, ni plus, ni moins. En effet, les personnes, d'après ce qui précède, ne sont autre chose que plusieurs relations subsistantes et réellement distinguées les unes des autres. Or, les relations divines se distinguent par l'opposition relative, de sorte que deux relations opposées appartiennent nécessairement à deux personnes, au lieu que, s'il se trouve des relations non opposées, elles n'appartiennent qu'à une seule. La paternité et la filiation, qui forment des relations opposées, constituent donc deux personnes. La paternité subsistante est la personne du Père, et la filiation subsistante est la personne du Fils. Les deux autres relations, l'aspiration et la procession, ne sont point opposées aux précédentes, mais, comme elles forment opposition entre elles, les deux ne conviennent pas à une même personne. Il faut donc qu'une de ces relations soit dans le Père et dans le Fils en même temps, ou que l'une d'elles soit dans le Père et l'autre dans le Fils. Or, la dernière, que nous avons appelée procession proprement dite, ne peut appartenir au Père et au Fils, ni en même temps, ni à l'un des deux en particulier, car la personne du Père, qui engendre, est la personne du Fils, qui est engendré, procéderait d'un principe spirant, ce qui contredirait les vérités établies précédemment. Note. Il procède si peu d'un principe spirant que ce sont eux, au contraire, qui produisent la procession du Saint-Esprit par voie de spiration. Fin de la note. Mais, pour ce qui est de l'aspiration, elles se rapportent tout ensemble à la personne du Père et à la personne du Fils, parce qu'elles ne renferment aucune opposition relative ni avec la paternité, ni avec la filiation. En conséquence, la procession appartient nécessairement à une autre personne, à celle du Saint-Esprit, qui procède par voie d'amour. Reste donc à dire qu'il n'y a que trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Note. Il y a quatre relations en Dieu, mais l'aspiration, qui est commune au Père et au Fils, n'appartenant pas exclusivement à une personne, ne forme pas une relation personnelle, c'est-à-dire une personne. Fin de la note. 3. Les termes numéraux ajoutent-ils quelque chose en Dieu? Les termes numéraux se disent de Dieu dans un sens négatif et non dans un sens positif. Il est vrai que toute pluralité suppose division, mais la division est de deux sortes. L'une, appelée matérielle, partage ce qui est continu, celle-là ne trouve point son application en dit lieu. L'autre, dite formelle, se rencontre dans les idées diverses ou opposées, c'est la seule qui convienne aux substances immatérielles. La multiplicité qui en résulte est une multiplicité transcendantale que ne contient aucun genre. On dit, dans ce sens, qu'un être est un et multiple. L'unité exclut alors l'idée de division, sans rien ajouter à l'être, car un veut dire être indivisé, et, de même, dans cet ordre d'idées, le pluriel signifie l'indivision relative des parties. C'est de la sorte que les termes numéraux, appliqués, en Dieu, tantôt à la nature, tantôt aux personnes, ajoutent seulement aux choses dont on les affirme une négation qui en marque l'indivision. Quand nous disons, par exemple, l'essence est une, la personne est une, l'unité signifie l'indivision de l'essence et de la personne, et quand nous parlons des personnes au pluriel, nous exprimons la pluralité des personnes divines avec l'indivision propre à chacune d'elles, parce que toute pluralité est composée d'unité. De cette manière, l'unité ne nie pas la pluralité, et, réciproquement, la pluralité ne nie pas l'unité, elle écarte seulement l'idée de division dans chacune des choses dont elle se compose. Conséquemment, les termes numéraux n'ajoutent rien dans la divinité, ils ne font qu'exprimer ce qui est indivisé. 4. Le mot personne peut-il être comme un autre trois personnes? Comme le dit saint Augustin, quand on demande, au sujet des trois qui rendent témoignage, que sont ces trois, on répond, trois personnes, parce que le mot personne est commun dans la Trinité. Cette communauté est-elle réelle comme la communauté des sens? Non, autrement il n'y aurait qu'une personne en Dieu, comme il n'y a qu'une essence. En quoi consiste donc la communauté du mot personne dans la Trinité? En ce que chacune des trois personnes subsiste distinguée des deux autres dans la nature divine. Note. Le mot personne est comme un autre trois subsistances divines, non réellement comme genre ou espèce, mais rationnellement comme individu vague. Bien que la personne soit incommunicable, le mode d'exister incommunicablement peut appartenir à plusieurs. Voilà comment le mot « personne » est rationnellement commun au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.